Moses. Mose hat 12 Spione in das Land von Kana geschickt. Number 13. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Number 13 and we go to the verse. Amen. Amen. And before we go to the verse, you have to understand the story. It is about what the Lord has given to the children of Israel. Es geht um das, was der Herr den Kindern Israels gegeben hat. Il s'agit de ce que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Though they don't have it physically. Auch wenn sie es physisch noch nicht hatten. Même si ils n'en avaient pas physiquement. But God said, you have it. Aber Gott hat gesagt, ihr habt es schon. Mais Dieu a dit que vous avez ça déjà. If you read 1, 2, 3, so that you will understand it better. He said, or even 1 and 2. And the Lord spake unto Moses, saying, send out men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel, of every tribe of their fathers, shall you send a man, every one a ruler among them. And in verse 3, it said Moses sent them. They were 12. Und in Vers 3 steht, dass Jesus sie geschickt hat. Sie war Jesus. Moses sie geschickt hat und sie waren 12. Là on a écrit que c'est Moïse qui les avait envoyés. Ils étaient à 12. And in verse 20, in verse 26. Und in Vers 26. They went and they came and they returned with report. Sie sind gegangen und sind zurückgekommen und haben einen Bericht mitgebracht. Ils sont partis, ils sont retournés, ils avaient une nouvelle. You know, you are going to come with different reports. Du wirst mit verschiedenen Berichten zurückkommen. Tu vas rentrer avec des nouvelles différentes. You are going to choose the reports you believe. Du wirst wählen, welchen Bericht du glaubst. Tu vas choisir quelle nouvelle tu vas croire. You know, when you fail in your exam. Wenn du deine Prüfung durchfällst. Quand tu ne réussis pas dans tes examens. And I fail in my exam, the same exam that with you. Und ich in der gleichen Prüfung durchfalle. Et moi aussi, par exemple. I might not be bothered at all. Ich werde mir vielleicht keine Sorgen machen. Je serai pas préoccupé. Why am I not bothered? Pourquoi pas? Wieso mache ich mir keine Sorgen? Because that report is not my report. Weil dieser Bericht nicht mein Bericht ist. Parce que cette nouvelle que tu m'as donnée, c'est pas la mienne. The report you value will give you joy, will give you peace. Der Bericht, den du wertschätzt, der wird dir Frieden und Freude geben. Le rapport qu'on va te donner là, ça va te donner la joie et la paix. Praise the Lord. Hallelujah. The report will speak to you. Und dieser Bericht wird zu dir sprechen. Ce rapport-là va te parler. Satan go through reports. Der Teufel geht durch diese Berichte. Le diable part à travers les reports. You can use report as a body. I do get it. Er kann diesen Bericht als einen Körper benutzen. Il peut utiliser ce rapport-là comme un corps. Amen. Amen. So also Christ can use a result as a body. Du kann auch Christus einen Bericht als Körper nehmen. Et c'est de la même manière que Jésus-Christ peut aussi utiliser ce rapport comme dans un corps. That report failed. The Lord will be telling you that is not who you are. I am who you are. Dieser Bericht, der sagt, dass du durchgefallen bist, wird zu dir sprechen, aber der Herr spricht auch zu dir und sagt, dass du bist nicht dieser Bericht, du bist das, was ich über dich sage. Amen. Le rapport que tu vas écouter qui te dira que tu vaux rien, c'est le même rapport aussi un autre rapport que Dieu aussi te dit pour te dire que tu es très très précieux pour lui. Satan will be speaking through that report and telling you that look at you, you fail, others pass. Der Teufel wird durch diesen Bericht zu dir sprechen und sagen, guck mal, andere Leute bestehen und packen es, aber du hast mal wieder versagt. Le diable va te dire, par exemple, que regarde ton rapport là, tu ne vaux rien. Everything speaks to us. Alles spricht in zu uns. In one way or the other. Auf irgendeine Weise. Chaque chose parle d'une manière et d'une autre. The tree can speak to you, just like he spoke to Christ. Ein Baum kann zu dir sprechen, genauso wie er zu Christus gesprochen Même hat. Un arbre peut parler à travers toi, peut te parler comme il a parlé à Jésus-Christ. Your job can speak to you, your Deine beauty, Arbeit everything. Alles kann zu dir sprechen. They all have a voice. Sie alle haben eine Stimme. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 26, and they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh and brought back words unto them and unto all the congregation and showed them the fruit of the land. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And they told him, and said, we came to the land whither thou sendest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled, and every are very great. And moreover, we saw the children of Anak there. Verse 29, the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea, and by the coast of Jordan. Verse 30, amen. Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Verse 31. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Praise the Lord. Amen. Amen. And the Bible said, verse 32, and they brought up an evil report of the land which they had said unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth of the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of a great stature. And there we saw the giant, the sons of Anak, which come out of the giant. And we were in our own sight as grasshoppers. And so we were in their sight. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see what the Bible calls evil report? Könnt ihr sehen, was Gottes Wort einen bösen Bericht nennt? Vous pouvez voir ce que la parole de Dieu appelle un rapport mauvais? Naturally, it is not evil report. It is the truth. Natürlich gesehen ist es eigentlich kein böser Bericht. Es ist die Wahrheit. Es ist die Tatsache. c'est pas un rapport qui est mauvais. Naturally, it is what man we call reality. Natürlich gesehen würde es das sein, was die Welt We are very strong, Realität those people. Nennt. Tatsache war, dass sie stark waren. Naturellement, c'est ce que le monde va appeler comme réalité, parce qu'il était vraiment fort. But the Bible calls it evil report. Aber die Bibel nennt es einen bösen Bericht. Mais la Bible dit que c'est un rapport mauvais. Because it's not coming from Christ. Weil es nicht von Christus parce kommt. Parce que ça vient pas de Dieu. Whatever is not of Christ for you is an evil. Was immer nicht von Christus kommt, ist für dich böse. How you get it? Tout ce qui ne vient pas de Jésus-Christ pour toi, c'est une nouvelle un rapport qui est mauvais. No matter how real it is. Egal wie echt es ist. How you get it? Peu importe la réalité de la chose en question. Praise the Lord. Hallelujah. Here we saw, you know, you can see it. What God called evil report. Wir können hier sehen, was Jesus Christus, was Gott bösartigen Bericht nennt. Ici on peut voir ce que Jésus-Christ appelle. But man will never call it evil report. Aber der Mensch wird es niemals bösen Bericht nennen. Mais l'homme ne va jamais l'appeler un rapport mauvais. Man, we call it truth. It is the truth. It is reality. Le mensch nennt es Wahrheit, Realität. Man va l'appeler quelque chose de réalité, c'est quelque chose. It is true that you fail. Stimmt, dass du durchgefallen bist. C'est vrai parce que it is true that something is not working. Stimmt, dass etwas nicht passiert. C'est vrai que quelque chose ne va pas. It is true there is an evil news and there is something that there's a report from the doctor that said something that is not good. It is true. Das but that is not for God's children. Aber es ist nicht für Kinder Gottes. C'est vrai, il y a un rapport du médecin qui dit que c'est pas vrai que tu ne vas pas bien, mais c'est pas le rapport de Jésus-Christ. Christ called it evil. Aber Christus nennt es bösartig. Because they don't belong to you. Weil es nicht zu dir gehört. Christ appelle quelque chose de mauvais parce que ça ne t'appartient pas. We have to know what God called evil. On doit connaître et comprendre ce que Jésus-Christ appelle mauvais. Because what he called evil is what we are to call evil. We his children, you and me. Parce que ce que lui il dit que c'est mauvais, c'est ce que nous on doit aussi prendre comme mauvais. Because we belong to him. Parce qu'on l'appartient. The Bible says we are in this world but not of this world. La Bible dit qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. We are of heaven. Isn't from heaven? On vient, are you getting it? Yes. Amen. So it's how heaven, whatever heaven called things, that is what you called things. So wie der Himmel Dinge sieht, so sehen wir die Dinge auch. Et comme le ciel voit les choses, c'est comme ça on doit aussi voir les choses. You better learn it. Wir müssen das lernen. On doit apprendre ça. And be used to it. Und das adaptiert aussi à ça. Because what you believe is going to work for you. Denn das, was du glaubst, wird für dich funktionieren. Parce que ce que tu crois, c'est ce qui va fonctionner pour toi. God works through knowledge. Gott arbeitet durch Erkenntnis. And Satan works through knowledge. Und der Teufel arbeitet auch durch Erkenntnis. Le diable, eux, il travaille à travers la connaissance. And now we are going to talk about evil heart. On va commencer à parler à propos du what Christ called evil heart. C'est que Jésus-Christ appelle mauvais cœur. The man will not even call it evil heart. Und der Mensch wird es gar nicht bösartiges Herz. Il va voir quand quelque chose de mauvais. Something was found in Satan's heart. Etwas wurde when he was Lucifer. Let's go there. Été trouvé dans le cœur de Lucifer. Isaiah 14. Isaïe 14. The question is, what do you have in your heart? Die Frage ist, was haben wir in unserem Herzen? La question est, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? What is in your heart? Was in deinem Herzen? Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Is it full of flesh? Es ist voll vom Fleisch. J'ai plein de la chair. Is it full of carnality? Carnality, death. Voll vom Fleisch. Vom Fleisch. C'est plein de la mort. So the carnally minded is death. Romans 8. Être charnel, c'est la mort. Is your heart occupied with carnality? Ist dein Herz umgeben von Fleischigkeit? Est-ce que ton cœur est comblé de chair? Praise the Lord. Amen. God works through your heart. Gott arbeitet durch unser Herz. Dieu travaille à partir de nous. And Satan also works through our heart. Et le diable travaille aussi à travers notre cœur. Look at what was found in Satan's heart. Schaut euch an, was gefunden worden ist im Herz des Teufels. Regardez ce que Dieu a trouvé dans le cœur de Dieu. And the Bible, God called it evil. Und Gott nennt es böse. La Bible dit que c'est quelque chose de mauvais. From verse 12. It says, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in your heart. You see what is in his heart. I will ascend unto heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sight of the north. I will ascend above the height of the cloud. I will be like the most high. 13 à 14. Just get something there. Versteht ihr, was hier passiert? Pride. Stolz. Il était très fier. If you are full of you, You will fall. Wenn du voll bist von dir selbst, wirst du fallen. Si tu es comblé de toi-même, tu vas tomber. If you are full of you, you will be destroyed. Wenn du voll von dir selbst bist, wirst du zerstört. Si tu es comblé de toi-même, tu seras détruit. You better take your eyes away from you. Du musst deine Augen von dir selbst wegnehmen. Il faut apprendre à enlever tes yeux sur toi-même. It's not about you. Es geht nicht um dich. Il ne s'agit pas de toi. People are gossiping about me. That's what people say. Les gens parlent, You are making things to be about you. Donc tu fais genre que toutes les choses tournent à travers toi. You know, Paul says something, he said, be like me. That's what Paul says. Paul a dit, sois comme moi. Because for Paul, it was not about him, it was about Jesus Christ. Denn Paulus ging es nicht um ihn selbst, um Jesus. Parce que à Paul, il s'agissait jamais de lui, il s'agissait seulement de Jésus-Christ. A heart that is full of self is an evil heart. Ein Herz, was voll von selbst ist, ist ein bösartiges Herz. Un cœur qui est comblé de soi-même, c'est un cœur très mauvais. A heart that is full of self is a heart that is full of pride. Ein Herz, was voll ist von selbst, ist ein Herz, das voll ist von Stolz. Un cœur qui est comblé de soi-même, c'est un cœur très fier, comblé de la fierté. It's not about where you go, where you go to. You know, it's about your heart. Es geht um dein Herz. Il ne s'agit pas d'où est-ce que tu pars, il s'agit de ton cœur. What do you have there? Was haben wir in unserem Herzen? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? You know, we can only know your heart through your words. Können, God, the Lord reveal it to us. Wir können unser Herz nur erkennen durch unsere Worte. On peut seulement connaître notre cœur à travers nos paroles. Because we know the truth, what Christ called the truth. Denn wir wissen, was Jesus Christus die Wahrheit nennt. Parce que nous on sait ce que le Jésus. And we can judge what you are saying if it is coming from Christ or from the other side. Was du können richten, das, was du sagst, ist von Christus kommt oder vom Teufel. Et on peut juger de ce que tu es en train de parler si ça vient de Dieu ou ça vient de quelqu'un. You know your heart. Du kennst dein Herz. Toi, tu le connais. The Lord Jesus knows your heart. You can see it. Herr Jesus sieht dein Herz. Jésus Christ connaît ton cœur. And Satan knows your heart. Und der Teufel kennt das auch. Praise the Lord. Amen. Amen. Your words, your action will always reveal who you are. Deine Worte werden immer offenbaren, wer du bist. Tes actions et tes paroles vont toujours faire révéler qui tu es. They will always reveal your heart. Sie werden dein Herz offenbaren. Praise the Lord. Amen. You know, Luke 6, verse 43 to 46, talks about the heart. In Lucas 6, let's go there, because Luke 6, not all of us that we had done yesterday. Amen. Praise the Lord. Luke 6, 43 to 46. It's like for a good tree. Are we there, please? For a good tree bringeth not forth corrupt tree, neither doth a corrupt tree bringeth forth good fruit. For every tree is known by its own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of the bramble bush gather the grapes. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. A good man means Christ's heart. Ein guter Mensch birgt das Herz von Christus. Quelqu'un qui est bon, ça signifie qu'il a le cœur de Jésus-Christ. On a lu Luc 6, 43-46. It is not about what man calls good. Geht nicht um das, was der Mensch gut nennt. Il ne s'agit pas de ce que l'homme prétend que ça soit bon. Because the Bible said there is not a good in man. Denn die Bibel sagt, der Mensch, kein Mensch ist gut. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune personne qui est bien. If your heart is not Christ, it's wenn evil. Dein Herz nicht gut ist, ist es bösartig. Donc, no matter how good it might look like. Egal wie gut es aussieht. Tu es mauvais. Peu importe comment tu sembles être bon. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. Praise the Lord. Then in verse 46 said, "And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say?" Praise the Lord. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous ai commandé? Amen. You know, King Saul's heart was so evil. Das Herz von König Saul war so bösartig. Le cœur du roi Saul était vraiment mauvais. So also Pharaoh's heart. Genauso auch das Herz von Pharao. Comme le cœur de Pharao. Please don't forget your homework yesterday. Exodus, the book of Exodus. Amen. Go through. Amen. As the Lord directs you. Amen. Von zweiter, nee, von doch von zweiter Mose liest. Ich glaube von 2. Mose Kapitel 1 bis 14 war das, glaube ich. So soll es hier war, wo die war, wo sie Exode. Was war das? 1 bis 15. Praise the Lord. Halleluja. You know, Pharaoh's heart was so evil. Das Herz des Pharaos war so bösartig. Le cœur du Pharao était vraiment mauvais. He never obeyed the voice of God. Er hat der Stimme Gottes nie gehorcht. Il n'a jamais obéi la voix de Dieu. He desired that his heart, his own heart be hardened. Er hat sich gewünscht, that was his own desire. Il a désiré de renfermer son cœur. That's what, you know, even today, people come to the church, they desire, their desire is just not to believe Christ. I don't know what they are even doing here. Sie haben ihr Herz schon darauf eingestellt, nicht zu glauben. Aber ich frage mich, was sie dann in der Gemeinde suchen. Ja, comme des gens aujourd'hui, ces jours ici, ils partent dans les églises et ils prennent la décision de ne pas croire en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils font là? If you are not going to believe Christ, what are you doing in his house? Wenn du Christus nicht glauben wirst, was tust du dann in seinem Haus? Si tu as décidé de ne pas croire en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu fais dans sa maison? Praise the Lord. You know, God answered Pharaoh's prayer. Gott hat you know die Gebete vom Pharao erhört. Dieu, il a accepté les prières du Pharao. You know, Pharaoh desired evil. Der Pharao hat sich das Böse gewünscht. Le Pharao, il voulait quelque chose de mauvais. He desired his own heart to be hardened. Er wollte, dass sein eigenes Herz verhärtet ist. Il a désiré que son cœur soit endurci. And God gave it to him. Are you getting Gott something? Et du coup, Dieu lui a donné. You know, people that fast and want to get things by all means. Leute, die fasten und deswegen dadurch Dinge, so viele Sachen von Gott bekommen. Les gens qui jeûnent, qui font des jeûnes de prière pour avoir des choses. You know, if you want to even get something from your natural father, do you fast? Wenn du etwas von deinem natürlichen Vater haben go without food for days. Si tu veux avoir quelque chose de tes parents, de ton père naturel, est-ce que tu fais des jeûnes de fasting, prière? Des jeûnes pour avoir ça. Amen. You force God to answer your prayer. Wir zwingen Gott, unsere Gebete zu erhören. Donc tu veux forcer Dieu pour écouter ta prière. We were also in Matthew 19 yesterday. Wir waren auf Matthäus 19. Hier, on a lu Matthieu 19. Where Jesus said, you know, to divorce is not coming from God. But because of the hardness of your heart, Moses said, divorce. Because that is what you desire. Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, dass eigentlich wollte Gott nicht, dass Eheleute sich scheiden. Aber wegen der Verhärtung des Herzens hat Mose zugelassen, dass Leute sich scheiden dürfen. Où Jésus-Christ a expliqué que Dieu normalement il voulait pas que les gens puissent avoir des divorces, mais Moïse a accordé ça seulement parce que le cœur des gens était trop endurci. Go to Exodus 14, please. 2 Mose 14. On va lire Exode 14. So just go to a place there. Amen. Mm-hmm. And verse 8. Exode 14. 14. 8. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued after the children of Israel. And the children of Israel went out with an high hand. Amen. Amen. The Lord answers Pharaoh's prayer. Der Herr hat die Gebete von Pharao. Are you getting it? Dieu a écouté les paroles, les prières de Pharao. Il voulait un cœur endurci. God had in his heart. Gott hat sein Herz verhärtet. Et Dieu a endurci son cœur. Because that was the desire Pharaoh desired. Das war das, was sich der Pharao gewünscht hat. C'était le désir du Pharao. What do you desire that the Lord does not desire for you? Was wünschen wir uns, was der Herr sich eigentlich nicht für uns Qu'est-ce wünscht? Qu'est-ce que tu désires que Dieu ne désire pas pour toi? What kind of relationship that you are in that the Lord does not want you to continue with? I don't know if somebody's getting it. Noch, dans quelle relation tu es ensemble, tu es dans quelle relation que Dieu ne veut pas que He tu has been warning you out. Er hat uns gewarnt, dass wir da rauskommen. It's a matter of time before he just leave you. He will give you what you desire. C'est une question du temps pour qu'il te donne ce que tu veux et tu désires. You know, people go to hell. There are people are going to go to hell. Menschen werden die Hölle gehen. Il y aura des gens qui vont partir. Though it's not his will that anybody should go to hell. Are you getting it? Obwohl es nicht sein Wille ist, dass Leute in die Hölle gehen. Même si c'est pas la volonté de Dieu que les gens puissent partir. Jesus said that the hell was made for Satan and his angels and not for people. Jesus sagt, dass die Hölle wurde für den Teufel und seine Engel erschaffen und nicht für Menschen. Jésus a dit que l'enfer a été créé seulement pour le diable et ses anges et pas pour les gens. And God has been preventing us, protecting us, saying, no, don't go there. But we desire to go there. He will let you go there if und you Gott want. If you answer your prayer. Bis jetzt immer davon abgehalten, aber er wird es zulassen. Is somebody getting something here? Darum flehen. Et Dieu nous a prévenus et nous a protégés de ne pas y aller. Mais quelquefois, c'est nous-mêmes qui choisissons cette voie-là. People force him to give them so that he give them their desire. They force him. Il y a des gens qui sont en train de forcer Dieu de leur donner leur désir. Remember Pharaoh's desire again. Erinnere dich an das an den Wunsch vom Pharao. Rappelle-toi du désir du Pharao. His heart to be hardened and never to allow the children of Israel go. Und dass die Kinder Israels nicht loslässt. Il voulait un cœur endurci pour ne pas libérer les enfants d'Israël. So also we, some of us, our heart is so hardened today. We cannot believe Jesus. Unser Herz so verhärtet, wir können Jesus nicht glauben. C'est comme nous aussi par ces jours ici, on a un cœur endurci, on veut pas croire en Jésus-Christ. How many messages are you going to hear before you believe him? Wie viele Botschaften werden wir uns anhören, bevor wir ihm glauben? Combien de messages tu veux encore écouter pour croire en Jésus? How many sermons is going to be preached before you say yes to Jesus? I surrender all. Not half, not one quarter, not one tenth. Combien de messages tu veux écouter pour dire à Dieu, je te donne tout dans tes mains et pas seulement la moitié? You know, people are so proud to be stubborn. They are proud of it. You go to hell with it. Stur zu sein, oder du wirst mit dieser Sturheit in die Hölle gehen. Les gens, ces jours ici sont vraiment très fiers. D'être comme on dit mutumakasi et avec ce mutumakasi. Do you know what you are joking with? Tu sais comment tu spiel? En enfer, tu sais avec quoi tu joues, tu es en train de jouer. You are joking with hell. Tu spiel mit der Hölle. Tu joues avec de l'enfer. Praise the Lord. Alleluia. You better be careful of what you desire. Wir müssen uns in Acht nehmen vor dem, was wir uns wünschen. On doit faire attention de quoi on est en train de désirer. That is not what Christ desires for you. Was Christus sich nicht für uns wünscht. C'est que Jésus-Christ ne désire pas pour toi. Things you want to have by all means. Dinge, die wir haben wollen, jeglicher Willen. Les choses qu'on veut avoir à tout prix. That boy, that girl, you know. Ce garçon, diesen, ce Mann oder diese Frau. You know, people, they just want to have it. People go to Satan to get things. Leute gehen zum Teufel, um Dinge zu bekommen. Les gens vont chez le diable pour avoir des choses. You know, I thank God that I'm now saved. Ich danke dem Herrn, dass ich jetzt errettet bin. Je remercie Dieu que je suis maintenant sauvé. Je le salue maintenant. When I was young, like you, I thought it was all about here. Als ich jung war wie ihr, dachte ich, es geht nur um dieses Leben. Quand j'étais jeune comme vous, je pensais qu'il s'agit seulement de ce monde ici. I thought it was all about problem solved. Ich dachte, es geht darum, das Problem zu lösen. Je pensais qu'il s'agissait seulement de résoudre les problèmes. And it doesn't matter how you solve it, but it is solved. Are you getting it? Je pensais peu importe comment je vais résoudre ce problème. J'aimerais seulement le résoudre. The way, you know, where people go battle to find solution to their problems. Wo Leute hingehen, um Lösungen zu finden für ihre Probleme. Où les gens partent pour trouver la solution à leurs problèmes. Those that are looking for children, the fruit of the womb. Die Leute, die unbedingt Kinder haben wollen. Les gens qui veulent à tout prix avoir des enfants. Those that are looking for husband. Und die unbedingt einen Ehemann wollen. Les gens qui cherchent à avoir. Those that are looking for money. Les gens qui cherchent de l'argent. It's not having it. The way you have it is more important than having it. Und Leute wissen nicht, dass es geht nicht darum, es zu haben, sondern wie hast du das bekommen? L'important c'est pas d'avoir ces choses-là. L'important c'est comment tu as eu cette chose. Praise the Lord. Donc, quelle voix tu as eu? There are some relationships the Lord does not want you to have and continue to have. Es gibt paar Beziehungen, die der Herr für dich einfach nicht mehr möchte. Il y a quelques relations que Dieu ne veut pas que tu puisses être avec eux. But you want to keep that relationship by all means. Mais vous voulez une relation de chute. Nous, on veut pas tout prix rester dans ces relations là. He will give it to you. Er wird es dir übergeben. Il va te le donner. Just like he gave it to Pharaoh. Genauso wie das dem Pharao gegeben hat. Comme il avait donné au Pharaon. Praise the Lord. You are just like Pharaoh that hardened his heart. And you continue to harden your heart. Der sein Herz verhärtet und wir verhärten es weiterhin. Tu es comme le Pharaon qui voulait toujours avoir un cœur endurci et tu endurcis ton cœur. Is it even bad that God hardened his heart? Ist es schlecht gewesen, dass Gott sein Herz verhärtet hat? Est-ce que c'était mauvais que Dieu avait endurci son cœur comme il voulait? You know, is it bad that if God answered your prayer? Of those evil things you are desiring. Ist es gut, wenn Gott deine Gebete hört mit den bösartigen Dingen, die du dir wünschst? Est-ce que c'est bien si Dieu a écouté tes prières et les prières qui étaient prières mauvaises que tu voulais? You're asking for fish and the Lord is saying no because this is serpent. Ihr bittet um ein. You are seeing fish, but the Lord is saying serpent. Siehst einen Fisch, aber der Herr weiß, dass es eine Schlange ist, Möglichkeit. Tu veux à tout prix avoir un poisson et Dieu sait que c'est pas un poisson, c'est un serpent, mais toi tu veux toujours l'avoir. You don't know what is good for you. Ihr wisst nicht, was gut ist für euch. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est bien pour toi. He is the one that knows what is good for you. Amen. I don't know if somebody is getting it. C'est seulement Dieu qui sait ce qui est bon pour toi. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. The house, the car, money, job, beauty. Häuser, Autos, people want to have them by all means. Menschen möchten das wollen das jeden Preis, genau. Jeden Preis wollen sie das haben. L'argent, la beauté, tout ça. L'homme veut avoir ça à tout prix. You know, your relationship with your natural parents, brothers and sisters. You know, friends, uncle, cousins, tante. You want to keep them by all means, but the Lord is saying, get out. Deine Beziehung get out of it. Mit Freunden, mit Onkel, mit Tanten, mit Cousins, Cousinen, wir wollen sie unbedingt festhalten, aber der Herr sagt, wir sollen da eigentlich rauskommen. On veut à tout prix garder les relations avec nos familles, nos pères, nos tantines et nos. Let's go to Genesis 12. Mais Dieu dit que sort de là. Look at Genesis 12. 1 Mose 12. Genesis 12. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Genesis 12. Genesis 12. And just verse 1. Amen. He said, now the Lord has said unto Abraham, get thee out of your country, and from your kindred, and from your father's house, unto a land that I will show thee. Der Herr hat zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. L'Éternel dit à Abraham, va quitter ton pays, ta famille et ta maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. If the Lord tells us that today, we will rebuke him. Wenn der Herr uns heute sowas sagen würde, würden wir ihn verweigern. Si Dieu nous dit quelque chose comme ça, on va le rejeter directement. Those that love, you know, the flesh more than Christ. But then it's all about parents. You know, brothers and sisters. Parce qu'on dit, on désire la chair plus que l'esprit. Evil love. Bösartige Liebe. Un amour vraiment très mauvais. The love of the natural family. Die Liebe der natürlichen Familie. L'amour de la famille naturelle. I'm not saying don't love them with the love of Christ. Je ne dis pas que tu ne les aimes pas, mais aime-les avec l'amour de Christ. Je ne dis pas de ne pas les aimer, je dis juste que tu dois les aimer avec l'amour. I'm not with the love of this world. Je ne suis pas de la Welt. Et pas de l'amour de ce monde. You know John 6:63. Johannes 6, 63. Jean 6, 63. Let's go there. He said the flesh profited nothing. His flesh nothing. La chair te profite rien. The natural profited nothing. Are you getting it? Le naturel, ça te profite rien. Ça te sert à rien. Amen. Amen. John 6:63. John 6. It is the spirit that quickens. The flesh profited nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. It means if it is not the word of Christ, it is dead. Der Geist ist der Leben. Are you getting something here? Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist, sind Leben. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair est à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Look at it again. Jesus said the word that I speak. Die Worte, die ich spreche. Jésus a dit que la parole que moi je parle. Unto you, they are spirit. They are not flesh. Ils sont nicht flesh. They're spirit. Ils sont esprit et pas la chair. And they are life and not dead. Ils sont lebendig und nicht tot. Sa parole, c'est la vie et c'est pas la mort. Amen. It means something. If it is something outside Christ, it's it's flesh and it's dead. Das heißt, wenn es außerhalb von Christus ist, ist es fleischlich und tot. Tout ce qui est à l'extérieur de Jésus-Christ, c'est la chair et c'est la mort. He said, the love of this world, the love of the natural. Liebe. You know, the love that we love people. Mit der wir Menschen lieben. L'amour du naturel, l'amour is flesh and it's dead. Ist fleisch und tot. Cet amour-là, c'est la chair et c'est la mort. Praise the Lord. Amen. We want to love them with the love they understand. That's what we do. Der Liebe lieben, die sie verstehen. On veut les aimer avec l'amour qu'ils vont comprendre. So that if they want to have birthday, we will be there. Damit wir immer noch. You know they will not invite you if you. Wenn, Donc quand ils ont l'anniversaire, quand on veut partir là-bas. You know they want to celebrate marriage, you will be there. They will invite you. They will reject the others. That choose Christ. Einlädt, bei Hochzeit, I thank God they always reject you. Weil du für sie entschieden hast und du dich nicht gegen sie entschieden hast, wie andere Leute sich gegen sie und für Jesus entschieden haben. Donc tu veux à tout prix partir dans leur anniversaire parce que tu es en train de te décider pour eux et pas te décider pour Jésus Christ. I thank God that Satan never invite me and I go. Aber ich bin und ich bin dankbar, dass der Teufel mich nicht einlädt. Je remercie Dieu parce que le diable ne me, lui, il me m'invite pas. You know that Satan also celebrates birthday. Wisst ihr, dass der Teufel auch Geburtstage feiert? Est-ce que tu sais que le diable aussi célèbre les anniversaires? In any birthday, if you are not celebrating Christ, you are celebrating Satan. Mm. In jedem Geburtstag. It's also marriage, everything. Entweder Christ oder Teufel. Dans chaque anniversaire où il ne célèbre pas Jésus-Christ, c'est automatiquement le diable qui célèbre. You know, they are gathered together. Notre Versammlung. La manière où ils sont ensemble. You see that Christ or Satan. Il s'agit de Jésus-Christ ou du diable. And we always want to be part of it. Wir wollen immer Teil davon sein. Et on veut toujours faire part de cette assemblée. Where they never welcome Jesus. Wo Jesus nie willkommen ist. Ces assemblées où il ne. You want to be welcome there. Is somebody getting something? Eux, ils ne les invitent pas Jésus-Christ, mais toi, tu veux faire partie d'eux. He said, if they hate me, they will hate you. Wenn sie mich gehasst haben, werden sie dich hassen, hat Jesus gesagt. La Bible dit, Jésus-Christ a dit que s'ils me détestent, ils te détestent toi aussi. Because if you choose me, they will hate you. Wenn du dich für mich entscheidest, werden sie dich hassen. Parce que si tu décides pour moi, ils vont te détester. You know why they invite you? Because you reject Christ. Wisst ihr, weshalb sie dich verweigern? Weil du Christus akzeptierst. Tu sais pourquoi ils t'invitent? C'est parce que toi, tu rejettes le diable. Praise the Lord. I thank God that they will not invite me for any debt. For debt. They will not invite me. Je remercie Dieu parce qu'il m'invite pas pour leur fête des morts là. Because they know I'm full of light. Life. Parce que eux ils savent que je suis plein de la lumière. Je suis la lumière. Again, if your celebration is not Christ, it's Satan. Wenn unsere Feierlichkeit nicht Christus ist, ist der Teufel. Donc si tes célébrations c'est pas Jésus-Christ, c'est automatiquement le diable. If it is not life, it is death. Wenn es nicht Leben ist, ist es tot. Si c'est pas la vie, c'est la mort. You know, in Deuteronomy 30, it said life or death. You choose one. There's no third party. En Deuteronomy 30, il dit la vie ou la mort. Il y a pas quelque chose qui est au milieu de ça. Pas le troisième. Praise the Lord. Amen. Amen. We judge things by Christ. Wir richten Dinge nach Christus. On juge les histoires à travers Jésus-Christ. In Ephesians 4. Let's go to Ephesians 4. Ephesians 4. On va lire Ephésiens 4. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Ephesians 4 from verse 29. Ephesians 4:29. It says, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Are you getting something? Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Amen. Amen. You know, here they play with words. Hier auf der Welt spielt man mit Worten. Dans ce monde, ils blaguent avec les paroles, les mots. People call their children this small devil. You know, there are different things. They call, you know, what comes out from people. Les gens appellent leurs enfants petits diables, par exemple. They love it. They joke with evil. Ils font des lustiges. Donc ils font des blagues avec ces paroles mauvaises. And they are surprised when evil comes to them. Ils wundern sich dann, wenn das Böse sich in ihrem Leben manifestiert. Et puis ils sont surpris quand les mauvaises paroles se manifestent dans leur vie. Look at what Paul is saying here, the writer of Ephesians. Paul is ici. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good. It means that which is Christ. Das was Christus ist. C'est qui Jésus Christ. Though the Jews are edifying, that it may minister grace unto the hearers. You get something here. Amen. Amen. Whatever comes out from your mouth. Was immer von unserem Mund kommt. Tout ce qui vient de notre let it be Christ. Soit Christus sein. Ça doit être Jésus Christ. It's better you are quiet than evil coming out from your mouth. Es ist besser still zu sein als dass das Böse aus seinem Mund rauskommt. C'est mieux de ne rien dire que dire quelque chose qui vient du diable. It's better you are quiet than flesh and blood, you know, coming out from your mouth. It's dead. Es ist besser, dass du still bist, anstatt dass Fleisch und Blut aus deinem Mund kommt. Il s'agit de se taire. C'est plutôt mieux que tu te tais au lieu de dire quelque chose qui est mondaine, qui est la mort. Because your words is going to grieve the Holy Spirit. Weil deine Worte können den Heiligen Geist betrüben. Are you getting something? Parce que tes paroles, ça peut trahir le Saint-Esprit. And give Satan victory. Und dem Teufel. Satan enjoy it. Let it grieve the Holy Spirit. Aber es betrübt den Heiligen Geist. Ça peut plaire au diable, mais ça peut tromper le Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. And grieve not the Spirit, the Holy Spirit of God. Whereby you are sealed unto the day of redemption. Are you getting something here? N'attriste pas le Saint-Esprit. In verse 31, it says, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. If you look at some people's life today, all these things are occupied. Ist das Leben, ist der Leben bitterness, madness. Si tu regardes dans la vie des chocs, chaque fois quelques personnes ici, ils ont trop de colère. Das ist das Gegenteil von Christus. C'est le contraire de Jésus-Christ. Are you getting something? Praise the Lord. Hallelujah. He said, I'll be kind one to another. Tender-hearted. Forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Amen. You don't forgive so that God will forgive you. He has already forgiven you. Damit dir vergeben wird. On ne pardonne pas les gens parce qu'eux, ils nous ont pardonné. On pardonne les gens parce que Jésus-Christ nous a déjà pardonné. Et Dieu. If you really believe he has forgiven you, you will forgive others. Wenn du wirklich glaubst, dass er dir vergeben hat, wirst du anderen vergeben. Si tu comprends que Jésus-Christ, que Dieu t'a déjà pardonné, tu vas aussi pardonner les autres. You know why you never forgive. Wisst ihr, weshalb ich nicht vergeben? You know, you pretend to forgive, but your voice. Du tust, oder du vergibst, aber deine Stimme. Your words. Deine Worte. Tu penses que tu as your action. Pardonné, mais tes actions, tes paroles. It's telling us what you have in your heart. Il nous montre qu'est-ce que tu as dans ton cœur. That is full of this verse 31. Und dieses Herz ist voll von Vers 31. Qui est plein du verset 31. Glamour. Evil speaking. Irritation, colère, éclat de voix, insulte. Praise the Lord. Your mouth and your heart should say the same thing. Your heart and your mouth, they have to go together. Ta bouche et ton cœur doivent dire la même chose. They should never be different. Ils doivent jamais parler des langages différents. Your heart and your mouth. Ton cœur et ta bouche. You train them to go together. Wir müssen trainieren, dass sie gleich sind. Tu dois l'habituer à être compatible. You know, Paul will never say this very thing. You are gossiping about me. Paul will never say it. Paul würde niemals sagen, ihr lästert über mich. Paul pourrait jamais dire que tu parles mal de moi. Why? Because he knows it is never about him. Is somebody getting something? Denn er wusste, dass es nicht um ihn geht. Parce qu'il savait que il s'agissait jamais de lui. I will never even say it to anybody. Because I know whenever my name is mentioned, it's Christ that is mentioned. Wenn ich weiß, wenn mein Name genannt wird, ist es Christus, der genannt wird. Moi aussi, je peux jamais dire quelque chose comme ça, parce que je sais que dès qu'ils parlent, ils disent mon nom, ils disent le nom de Jésus-Christ. That's why it's so good to be in the Spirit, not to offend you. Das ist gut, im Geist zu sein, denn da provoziert dich nichts. C'est pour cela et c'est mieux d'être en esprit parce que là rien peut te provoquer. If you are in the flesh, you will always be offended. Wenn du im Fleisch bist, wirst du immer wieder provoziert sein. Si tu es dans la chair, tout ce que les gens vont dire va te provoquer. Jesus said, "What comes to you, come to me." Jesus sagt, das was zu ihm kommt. But then what is the problem? Jésus-Christ dit que comme zu mir. Was ist das Problem? Jésus-Christ dit que tout ce qui t'arrive, ça m'arrive aussi. Alors qu'est-ce qui est le problème? You are gossiping about Jesus. And they continue. That should not be a headache for you. Praise the Lord. Amen. Amen. That's why it's so good to live in the Spirit. C'est pour cela c'est mieux d'être de vivre en esprit. What provoke them never provoke you. Was sie provoziert dich nicht. C'est qui les provoque vont jamais te provoquer. What offend them never offend you. Was sie ihnen ein Anstoß ist, ist dir kein Anstoß. C'est qui les attaque, ça peut jamais t'attaquer. Praise the Lord. Amen. Let's go to Philippians 1. Philippiens 1. Amen. Amen. Oh, Daddy, thank you. Amen. Philippiens 1 from verse 12. Philippiens 1. Look at Paul here. Verset 12. The same Paul. When he was going from prison to prison. Als er von Gefängnis zu Gefängnis ging. Comme Paul partait dans des... He's supposed to call it gossip. Und er hätte es Lästerei nennen müssen. Vous pouvez dire qu'on parle mal de lui. Are you getting it? If he was in the flesh, he would call it gossip. Wenn er im Fleisch wäre, hätte er es Lästerei genannt. Si il était dans la chair, il pouvait dire qu'on parle mal de lui. People making fun of you, you are offended. Les gens se moquent de toi et toi tu te fâches, pourquoi? That you are offended, we tell, should tell you something, that you are in the flesh. Dass dich stört, das zeigt dir, dass du im Fleisch bist. Le fait que tu te fâches, ça te fait voir que tu es dans la chair. Are you getting something? If you learn to be in the spirit, you will even say bravo. Wenn du im Geist bist, wirst du freuen. Si tu vas dire, praise the Lord. Amen. But if you are in the flesh, you will fight. Wenn du im Fleisch bist, wirst du kämpfen. Mais si tu es dans la chair, tu vas t'énerver. Let's read from verse 12 to 21. Amen. But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the fortress of the gospel. He said, whatever come to me, come to the gospel. Was immer zu mir kommt, kommt zum Evangelium. Donc chaque chose qui m'arrive arrive à l'évangile. If people gossip about me, even you know, people, you know, because you know, they are celebrating whatever they are celebrating. And they don't, you know, it's all about, they are just discussing about you. Und sie lässt dann die ganze Zeit nur bei dir. You are not there. Là, il y a des gens qui sont en train de célébrer et ils parlent que de toi et malgré que tu n'es pas là. It might be bad, it might even be good. It doesn't matter. C'est égal à si c'est good ou la chose. Peu importe something. Si la chose est bonne ou mal, c'est qu'ils sont en train de dire sur toi. Now you know that it's for the gospel's sake. Mais toi, tu sais que c'est pour l'évangile. You know, Jesus told the family. He says he will love you. Jesus, John. Let's go there. Put something here. Let's go there. John 7. Let's go to John 7. On va lire Jean 7. Praise the Lord. Johannes 7. Amen. Jean 7. John 7. We will quickly read from verse 2. It says, now the Jews feast of tabernacle was at hand. Verse 3. His brethren therefore said unto him, are you getting something here? Yeah. Mm, the family. Just see your family today. How they are fighting you in one way or the other for choosing Christ. Comme ils sont contre toi parce que tu t'es décidé de suivre Jésus Christ. You can see that it's not different from Jesus. Tu peux voir que c'est pas différent que Jésus Christ. Jesus said rejoice. Jesus hat aber gesagt Freude. Hey, Matthieu, ça dit réjouis-toi. Amen. They call you a sort of name, rejoice. Our fingers are full, if not, I will say, go there. Amen. Mm-hmm. Look at verse 3. His brethren therefore said unto him, depart hence and go into Judea, that the disciples also may see your works, that thou doest. Are you seeing something? Mm-hmm. For there is no man that doeth anything in secret, and he himself ceases to be known openly. You know, they think who they are, that is who Jesus is. Sie denken, or what they are. Sie denken, so wie sie sind, ist Jesus. Ils pensent que Jésus-Christ était comme eux. Are you getting it? If thou do these things, show yourself to the world. Verse 5. For neither did his brethren believe in him. Are you different today? Check your life. Even your brethren never even believe in you. That you belong to Christ. That you choose Christ. Même tes propres frères ne vont pas croire et comprendre que toi, que c'est Jésus-Christ qui t'a choisi. Then Jesus said unto them, my time is not yet come. But your time is always ready. The world cannot hate you, but me it hated, because I testify of it, that the works thereof are evil. Are you getting something here? If you are of the world will love you. Praise the Lord. Do you see what Jesus said there? T'as vu ce que Jésus-Christ a dit ici? If they choose, you know, if people, whoever choose Jesus is going to be, people are going to fight you. Wer immer Jesus wählt, der wird Verfolgung erleiden. La personne qui va choisir Jésus-Christ, on va lui. Go back to Philippians, please, so that we poursuivre. We just have some hours today. Amen. Go back to Philippians. Philippians 1. Philippiens 1. On rentre à Philippiens 1. Amen. Amen. In verse 12, he said, whatever comes to me, come to the gospel. In Vers 12 sagt er, was immer auf mich zukommt, kommt auf das Evangelium zu. Verset 12 dit que tout ce qui m'arrive arrive à l'évangile. Except you are in the spirit, you can never even say this, believe it, and live it. Are you getting it? Tu peux seulement le voir comme ça, les croire, si tu vis en esprit. That if even they are fighting me, they are fighting the gospel. It's the gospel, it's all about Christ. Être capable à dire que même si ils sont en train de me combattre, ils sont en train de combattre l'évangile. The gossip is about the gospel. Verse 13. So that my bones in Christ are manifest in all the palace in all other places. You know, Paul was always going from prison to prison. Paul parlait parti de prison à prison. And people were making fun of him. Les gens se moquaient de lui. He cannot save himself. You want to save others. You know, people will say a lot of things about you. Tu veux sauver le monde, mais tu peux pas te sauver. You know, Paul was not offended because he had learned to live in the spirit. Paulus war nicht provoziert, weil gelernt hat, im Geist zu leben. Tout ça ne provoquait pas Paul parce que lui, il avait appris à vivre dans l'esprit. Your action, your words. Unsere Worte, unsere Handlungen. Is going to show. It's going to. It speak more than even your voice. Nos actions, nos paroles, ça parle plus que toute autre chose. It reveals where your heart is, the spirit or the flesh. Ob im Geist oder im Fleisch. Ça révèle si on est dans l'esprit ou on est dans la chair. And many of the brethren in the Lord walk in confidence by my bones. Are much more bold to speak the word without fear. Are you seeing something there? Amen. Amen. Look at verse 15. Aqua, can you help us to this verse 15, Chat? Einige verkündigten zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Some indeed preach Christ, even of envy and strife, and some also of good will. Are you getting something? Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité, mais d'autres annoncent Christ dans un bon esprit. Even if they are making fun of you. Selbst wenn sie sich über dich lustig machen. Même s'ils se moquent de toi. They are preaching the gospel. Prédigent sie das Evangelium. Ils sont en train de prêcher l'évangile. They never measure your name without saying Jesus. Are you getting it? Ils disent jamais ton nom sans dire Jésus-Christ. You know, they may even want to make it, they may even write it to you through phone now, to make you be sad about it. Ils écrivent pour être, que tu puisses être triste. You should rejoice. Tu dois te réjouir. Because it's evidence against them. Denn es ist ein, are you getting it? Ein Zeugnis gegen sie. Parce que c'est un témoignage contre eux. That without they can never even say you did not even preach to them. Damit können sie eben dann nicht bezeugen. Damit bezeugen sie, dass du halt auch zu ihnen geprägt hast. Nein, ils sont en train de témoigner que tu as prêché à travers eux, avec eux. And it's also saying that, you know, instead of talking about Satan, they are talking about Jesus. Und anstatt über den Teufel zu sprechen, sprechen sie dann auch über Jesus. Ja, ils disent gossiping about you. Ils parlent de le diable parle de Jésus-Christ, parle de toi. Donc c'est bon s'il parle de toi. Praise the Lord. Alléluia. They are gossiping about Jesus. Sie lästern über Jesus. Ils parlent mal de Jésus-Christ. Because nothing can separate you from Christ. Amen. Parce que rien ne peut te séparer de Jésus-Christ. Let them continue what they are saying. Ils ont weitermachen. Continuer avec ceux qui sont en train de dire. Praise the Lord. Oh, yeah. You know, in your places of work, you know, you are preaching Christ. You know, people can gather. You know, when you are coming, they just keep quiet. They just make us say, you know, instead, you just let them continue. You just let continue. So you have joined me to preach Jesus. Thank you. Jetzt habe ich auch Jesus verkündet, indem ihr über mich redet. Tu peux leur dire de continuer parce qu'il parle de Jésus-Christ quand il parle de toi. Praise the Lord. Alleluia. Just like Paul said here. So Paul has gesagt. Comme Paul dit dans ce chapitre. Some of envy, some of strife, and some of goodwill. Then in verse 16. Verset 16. The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bones. Are you getting something? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. The thing that I will be ashamed or I will be sad or something will, you know, this to have something to affect me. But they don't know that I am not in the flesh like them. Ils pensent que je serais offensé, je serais triste ou quelque chose comme ça, mais ils savent pas que je suis dans l'esprit. All things work together for God's children. Du bien pour les enfants de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. But the order of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. Verse 18. What then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And I therein do rejoice, yea, and I will rejoice. Praise the Lord. Amen. Amen. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. You know, what can Satan do with such person? Was kann der Teufel so antun, die so eingestellt ist? Mais qu'est-ce que Dieu veut, le diable peut faire avec quelqu'un qui a cette manière de penser? He's doing something that will make him sad, but upon all he rejoice. Er tut etwas, um ihn traurig zu machen, aber dennoch freut er sich. Le diable fait tout pour que tu puisses être fâché ou triste, mais toi, tu te... His joy is so permanent. Seine Freude ist so beständig. Tu te réjouis permanent. That nothing can take it. Dass nichts es wegnehmen kann. Il n'y a rien qui peut t'enlever de cette joie. His peace is so permanent. Sein Frieden ist so beständig. La paix de Dieu, c'est toujours, c'est permanent. His freedom, the freedom. Diese Freiheit. Cette liberté. It doesn't matter where he is, he's free. Amen. I don't get it sometimes. Donc, peu importe où il était. Somebody like this, you are really a problem for Satan. To Satan. So eine Person ist ein Problem für den Teufel. Une personne comme ça est vraiment un grand problème pour le diable. Praise the Lord. Alleluia. He said, for me to live is Christ and to die is gain. Let me leave there. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, you know, to be offended because God's children are there for you. You know, if we are even talking about you, we are there for you. No matter how we are saying it. Sogar für dich da, weil wir über dich reden, egal wie wir das sagen. Même nous à l'église, are you getting something? On parle de toi, ça signifie qu'on est là pour toi. Peu importe de quelle manière on parle de toi. We are always for you and not against you. Wir sind immer für dich und nicht gegen dich. On est toujours pour toi et jamais contre toi. You might call it what you know what this world call it. Vielleicht nennst du es. Et peut-être tu le vois dans la chair et tu dis que ça mal de toi. You should be grateful that we are even talking about you. Aber du sollst dankbar sein, dass are you getting it? Man über dich spricht. Look at what Paul said here in Galatians 4. Merci à Dieu parce qu'on parle de toi. Amen. Amen. Si vous regardez Galates 4. You know, God changed and you know we have we love you and we are talking about you. We talk about one another. On parle l'un à l'autre de l'autre. You know, Satan, we want you to see it as something bad. And we call it different names. Gossip or whatever. Le diable va faire du genre que tu puisses voir ça comme une chose mauvaise. If you are really of Christ, you will see that it's you will even praise the Lord. That God's children are there for me. Mais si tu es réellement dans l'esprit, tu vas dire Dieu merci parce que les enfants de Dieu sont là. I don't know if you are getting something. Amen. Look at Galatians 4:16. Regarde Galates 4:16. He said, "Am I therefore become your enemy because I tell you the truth?" Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Galates 4, verset 16. Puis-je donc maintenant devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? If you read here, as a whole, si tu lis ça, at the beginning, these people they were so happy with Paul. Am Anfang waren diese Leute so glücklich über Paulus. Au commencement, les Galates étaient vraiment très fiers. Let's read it from verse 8. Vers 8. It's a habit. À partir de verset 8. Then, when you knew not God, you did service unto them which by nature are no God. But now, after that you have known God, or rather, and known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto you desire again to be in bondage? You know, for somebody to be growing and growing in the Lord, and not Paul, just of a sudden that person is not in body also or people. Im Herrn wächst und auf einmal sich wieder dreht und wieder wieder zu seiner alten Gefangenschaft zurückkehrt. Donc que les gens puissent être en esprit et tout à coup il devient dans la chair et détourne leur dos sur Dieu. You know, here Paul is talking about some certain people that you know he was with and they were, you know, they were so hungry of Christ. Amen. Amen. Ici, Paulus redet hier über ein paar Leute, die am Anfang so hungrig waren auf Christus. Ici en verset 8, Paul parle des gens qui étaient au commencement, ils avaient faim de Jésus-Christ et puis après And now they are about the flesh. For them it's all about the flesh. Jetzt geht's nur noch das Fleisch. Never in this spirit. Que leur chair. It's a verse 10. You have sat days and months and time and years. Verse 11. I am afraid of you, lest I have bestow upon you labor in vain. Verse 12. Brethren. And besides you, be as I am, for I am as you are. You have not injured me at all. Verse 13. You know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. How I came to you and preached the gospel unto you. And you were so hungry. Look at it. And my temptation which was in my flesh, you despised not. Upon how I look, how I sound, you did not even run away from me. You did not reject me. Or neglect. But receive me as an angel of God, even as Christ Jesus. Where is then the blessedness you speak of? For I bear you record that if it had been possible, you would have plucked out your own eyes and have given it to me. How much you loved me then, but now you hate me. Why? Avant vous m'avez vraiment aimé, maintenant vous me détestez. Pourquoi? You once said you would fight for me, now you are against me. Ihr habt eins gesagt, dass ihr für mich kämpfen würdet, und jetzt seid ihr gegen mich. Avant vous voulez combattre. Are you getting something? That's what Paul is saying. Contre moi. Because I tell you the truth, have I become your enemy? Because I love you. Maintenant, je suis devenu votre ennemi. Et pourtant, je vous aime. Praise the Lord. Hallelujah. And the message that is preached is all you see it as it's against you and not for you. Und die Botschaft, die geprägt wird, siehst du als deinen Angriff, aber nicht als deine Erlösung. Donc tous les messages que je comprends, et toi tu le vois comme un attaque et pas comme une solution pour ta vie. Any guardian of God's children, once they say something about you, it's always against you now. But before it was not like that. Jegliche Versammlung. What is the problem? Immer gegengerichtet. Aber was ist dein Problem? Schau auf, untersuche dein Leben. Et maintenant, quand les enfants de Dieu parlent de toi et toi, tu vois ça toujours comme comme s'ils te détestent. C'est quoi le problème? Regarde ta vie. Are you getting something? People with evil hearts, please rebuke them sharply. Bitte, let's go to Titus 1. Titus 1. Quickly go there, please. Titus 1. Titus 1. On va partir à Titus 15. Titus 1, verse 13. Titus 1, verse 13. He said, this witness is true. Wherefore, rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Verse 14. Not giving heed to Jewish fables and commandment of men that turn from the truth. Unto the pure, all things are pure. But unto them that are defiled, I will get you something here. Unto them that are defiled and not believing is not pure. You know, do you get something here? Even when they are talking, you know, if you are in the spirit, you know, nothing can offend you. Because if you are in the spirit, what Christ calls spirit, that's Christ. If you are in Christ, everything works for you. You are not offended. If even people are fighting, tout marche pour toi. Rien n'est contre toi si tu es dans Jésus Christ. I don't know. You get something. Praise the Lord. Unto the pure, all things are pure. If you are in Christ's spirit, in the spirit of that of Christ, you are pure. And until you are there, you know, change, you know, you. Whatever is outside, if once you are there, whatever is outside, everything, they are just working for good for you. Alles wird zu deinem Guten. You never see them as evil. Pour ceux qui sont purs, tout est pur. Donc tout est pour le bien de ceux qui ont Dieu. But unto them that are defiled and not believing is not impure. If you are in the flesh, there is nothing somebody, the child of God will do for you that we will see as good. Wenn wir im Fleiß sind, ist alles für uns eine Provokation. Und mais pour des hommes qui sont incrédules, rien n'est pur pour eux, tout est mauvais pour eux. He said, but even their mind and their conscience is defiled. Leur pensée et leur conscience sont souillées. Verse 16. He said, they profess that they know God. But in works, they deny him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Praise the Lord. Amen. Amen. They profess that they know God, but in works, they deny Christ. They will quote the Bible. They will tell you that they are working for God. Are you getting it? We just pray we are not in that position. On doit prier de ne pas devenir comme ces gens-ci. He said, but in works they deny Christ. Works. What is that work that he's talking about? De quel travail il parle ici? The works mean their ways, what they say out. Die Werke sind ihre Worte, what they are speaking. Ce sont les paroles qui sont en train de parler. Their actions. Ihre Handlungen. Are you getting something? Their choice. Choice of friends. People, they're not moving. Well, they're not called good. Are you getting something? Everything is opposite Christ. Tout ça, c'est contre Jésus-Christ. Their desire. Leur désir. They not desire to be evil. You know, they are, you know, what they desire, you can just say that it's all evil. Tout leur désir, tu peux voir que c'est quelque chose de mauvais. People they desire to be with. Leute, mit denen they are comfortable with evil people. That reject Christ and deny and hate the truth. Menschen, die Wahrheit verweigern. Leur compagnon qui est mauvais, qui ne sont pas de Jésus-Christ, qui ne connaissent même pas Dieu. Their choice, it means including the people. They choose to have relationship with. Die Leute, die sie wählen als Freunde. Leur choix des amitiés. Their own opinion is now their truth. Ihre eigene Meinung ist ihre Wahrheit. Leur propre opinion, ça devient leur vérité. Their opinion about everything, including their relationship with God and people, becomes their truth. Are you getting something? Leurs opinions, leurs opinions sur les gens et leurs amitiés, même leurs opinions de leurs relations, leurs relations. Quickly go to 1 Corinthians 15. 1 Corinthiens 15. Praise the Lord. Verse 33 and 34. 33 and 34. No, the people they move with. Die Leute, mit denen sie Zeit, leurs compagnons, leurs amis. They never see it as evil. Sie sehen das nicht als böse. Ils voient jamais ça quelque chose de comme quelque Susie, chose. Can you help us to read verse 33 and 34, Schat? Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht. Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zu eurer Beschämung. Be not deceived. Evil communication corrupt good manners. Amen. Amen. Don't start evil communication with people. Fang keine bösartige Beziehung an mit Leuten. Le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. You know, you always say, you know, the Lord always, he's always saying, get out of them. Because your communication is with them is going to be evil. Weil du redest mit ihnen nur Bösartiges, was nicht Christus Dieu ist. Dit, what Dieu is not Christ. Dieu, Christus ist. Dieu t'interdit d'être avec eux parce que ta relation avec eux, ça, il s'agit pas de Jésus Christ. He's going to corrupt you. Es wird dich beeinflussen. Ça va, it's going to destroy you. It's a matter of time. Ça va te détruire. C'est une question de temps. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, if the Lord is saying, separate from them, you know what he's doing. Sagt, dass du dich von ihnen ab trennen sollst, dann weiß er, was er tut. Si Dieu te dit de te séparer d'eux, il sait ce qu'il dit. You know, I said it the other day that if husband and wife they have both flesh, it's a pity. Ich habe es letztes gesagt, dass wenn Ehemann und Ehefrau beide im Fleisch sind, ist das beschämend. L'autre fois, j'ai dit, c'est un homme et une femme sont dans la chair, c'est vraiment honteux. If one is in the spirit, that one should be able to say, don't go there. Aber let us choose Christ. Sollte der eine auf den anderen darauf hinweisen, in Geist zu sein. Donc, amen. Si quelqu'un, une d'eux est dans la chair. La personne qui est dans l'esprit doit être capable de dire on part dans l'esprit. You cannot allow evil to continue and at the end you say you are not even part of it. Du kannst nicht zulassen, dass das Böse in deiner Familie weitergeht und am Ende sagst du, du hast nichts damit zu tun. Tu peux pas autoriser que le mal règne dans ta famille et puis à la fin tu dis que je ne savais pas, je n'ai rien à faire avec ça. It's a being not deceived, evil communication corrupt good manners. Aware to righteousness and sin not. For some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Amen. Amen. Amen. In 2 Corinthians 6, Jesus, you know, the Bible really talks about relationship here very well. Let's go there. Dieu a parlé de. People that know me, they really know who I am. Look, you know the type of person I am. Leute, die mich kennen, wissen, wie ich bin. Dieu parle de la relation. Les personnes qui me connaissent savent comment je suis. I don't even bother. I don't, you know, friends. You know, people, what they love. What a value. Was Menschen lieben, was Menschen value. Lieben. We'll talk about value before we close. Quickly. Amen. What your value. What your value is going to give Satan body or Christ body. Was wir wertschätzen, wird dem Teufel einen Körper geben oder Jesus Christus einen Körper. Ce que tu trouves important, ça va donner au diable ou à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 2. Oh, sorry, 2 Corinthians 6 from verse 14. He said, be ye not unequally yoked together with unbelievers. 2 Corinthians 6, 14, pardon. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Can you see two, you know, description, two different, you know, how he's describing you and others. Wie er dich mit anderen vergleicht. Comment il te met en relation avec les autres, 2 Corinthiens 6, 14. And what communion hath light with darkness? You are light, they are darkness. How can you even fit? Il dit que toi tu es la lumière et eux ils sont, ils sont sombres. Comment tu vas mettre ça en relation? For you to be one have to join the other. Damit ihr eins seid, muss einer. Are you getting it? Because darkness and light can never work together. Sich beugen. Entweder das Licht oder die Finsternis muss sich beugen, denn beides kann nicht zusammenarbeiten. Donc, pour que vous soyez une personne, l'autre doit rejouir l'autre. Donc, ça signifie que la lumière et le ténèbre ne peuvent pas marcher en même moment. You know, I'm not in the places you go to. Ich bin nicht an den Ort, wo ihr hingeht. Moi, je suis pas dans les places où vous partez. You go to places through phone, through your internet. Amen. Geht an Ort. With the family. With people you call your family. Mit Menschen, die ihre Familie nennen. Avec les personnes que vous appelez vos familles. And you speak together. What are you saying together? Und ihr tauscht euch aus. It will true for. Through internet. Wenn es nur Handy ist oder per Telefon oder. Is somebody getting it? Vous parlez ensemble. De quoi vous parlez, même dans des téléphones. Il s'agit de quoi? Are you... Amen. Amen. You know, they call them different names. Get together in the, you know, family getting together, brothers and sisters. Or, you know, ils appellent ça des réunions de what are you discussing? Was besprichst du mit diesen Qu'est-ce que vous parlez dans des réunions de famille? Darkness and light can never work together. Finsternis und Licht können nicht zusammenwirken. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher. Except you are darkness like them, then you can work together. Wenn du Finsternis wie sie, dann kannst du mit ihnen eins sein. Mais si tu es les ténèbres comme eux, tu peux être un avec eux. And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believed with an infidel? Verse 16. And what agreement had the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. Amen. As God hath said, I will dwell in them and walk in them. Amen. And I will be their God, and they shall be my people. Amen. Are you getting something? Verse 16. Amen. Amen. Verse 17. Wherefore, come out from among them. He's telling you today. So harden your heart. Come out from among them. Sorte de là. And be ye separate, said the Lord. And touch not the unclean thing, and I will receive you. Verse 18. And I will be father unto you, and you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. Amen. Praise the Lord. If I want to go into here, we will not even close today. Amen? Amen. So let us continue. Amen? Amen. People deceive themselves, thinking they are deceiving Christ. Leute machen sich selbst was vor und denken, dass sie Christus was vormachen damit. Les gens sont en train de se décevoir eux-mêmes et ils pensent qu'ils sont en train de décevoir Jésus-Christ. They deceive themselves, thinking they are deceiving God's children. Sie machen sich selbst was vor und denken, dass sie Kinder Gottes etwas vormachen. Ils se trompent eux-mêmes et puis ils pensent qu'ils sont en train de tromper Dieu. Amen. Amen. I don't know where you go to, and I don't even want to know. It's your business. Moi, je ne sais pas où vous partez. Je ne veux pas aussi le voir. C'est votre problème. They deceive themselves, thinking that they deceive Satan. You cannot even deceive Satan. Talk less of Jesus. Ils pensent qu'ils sont, ils pensent qu'ils sont, ils sont en train de se tromper eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont en train de tromper le diable et même Dieu. Satan knows if you belong to him. You know what you are hiding. You can only deceive yourself. You know your relationship with Christ's children should be a proof to you in things. I don't know if you are getting something here. Ta relation avec les enfants de Dieu doit être une épreuve. Your relationship with God's children. Ta relation avec les enfants de Dieu. She always help you to know things in your life. Dein Leben Dinge zu erkennen. Ça va t'aider à reconnaître les choses dans ta vie. You know your relationship with the people that you are following outside. You don't believe, oh no, don't you know them? Those you call your family or your friends. La relation avec tes soi-disant amis. If your relationship with them is corrupting you, you better get out of it. That relationship. Before it is too late. Get out of it before it's too late. Es wird irgendwann zu spät sein. Si à travers cette relation tu deviens impur, faut sortir de là avant que ça puisse être plus pire et dur de sortir. You know, there was a time it was not too late for Pharaoh. Es gab eine Zeit, da war es auch zu spät. Il y avait un temps que c'était aussi trop tard pour le pharaon. God answered his prayer. Und Gott hat sein Gebet gehört. Et Dieu he hardened his heart. Er hat sein Herz verhärtet. Il a rendurci son cœur. Because that has been his own desire. Parce que c'était son propre désir. Are you getting something? Amen. Get out of whatever you are in. That true, no, that is taking you away from Christ, separating you from him. Before it is too late. Komm da raus von diesen Dingen, die dich von Christus trennen, weil sonst wird es zu spät sein irgendwann. Sépare-toi et sors de tout ce qui est en train de te séparer de ta relation. Quickly go to 1 Corinthians 9. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. 9. Praise the Lord. Alléluia. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. From 17 to 22. I quickly read. Amen. Because of time. 17 à 22. Amen. Amen. He said, for if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me, what is my reward then? Verily, that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, but I abuse not my power in the gospel. Let me continue, then we get a place where we are going to. Amen? Amen. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all. Amen? Amen. From verse 19. Though I'm free from all, but I made my servant unto all, that I might gain the more. Are you getting something? And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. Are you getting something? Mm-hmm. Why I go to them is not to join them. Ich gehe nicht dahin, um ein Teil von ihnen zu sein. Je ne pars pas pour. Je ne pars pas là-bas. Verse 21. 21. To them that are without law. As without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. Verse 22. To the weak became I as weak. You know, if you are dealing with children, sometimes you bend down and be like them. When you with Kinder spielst, you are playing with them. You know that. Mm-hmm. They think you are a baby, but you are not a baby. Du machst dich klein und redest dann auch in Babysprache zu ihnen. Quelquefois, quand on parle avec les enfants, on fait genre, on est comme eux, on parle comme eux. same thing Paul did here. Und das gleiche macht Paulus hier auch. C'est la même chose que Paul fait ici. Amen. Mm. And that's why we go to them. We not to even have if they invite you for a party, you know you are not that you are there does not mean you are joining them. It should be for Christ. Und wenn sie dich einladen, gehst du dahin, um Christus zu predigen, aber nicht selbst. Et même si t'invite, tu pars là-bas pour prêcher la parole de Dieu et pas pour toi-même. So the way become I weak, and that I might gain the weak. I am made on all things to all men, that I might by all means save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partakers thereof with you. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. Let me leave there. Praise the Lord. You know, Paul never go to places to join them, but to take them out. Paulus wird nicht so wie sie, da geht nicht an Orten, um so wie diese Leute zu sein oder dort zu bleiben, sondern um diese Leute da rauszuholen. But what about you? Aber was mit uns? Paul ne partait pas là-bas pour leur sortir de là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? What about you? Check yourself. Wie willst du uns untersuchen? Demonstre toi-même, qu'est-ce que tu fais là-bas? Pour les réjouir ou pour être comme eux? Check now and compare to before. Vergleiche es jetzt mit der Vergangenheit. Compare ça maintenant avec. When you were out of them. Als du raus warst aus ihnen. Quand tu étais sorti de leur milieu. How your relationship was with God's children. Wie deine Beziehung war. I don't know if somebody's getting something. Kinder Gottes. Comment ta relation était avec les enfants de Dieu. You know, your relationship with God's children should be a proof to you that something is wrong somewhere. You can judge it yourself. It's as simple as ABC. Donc avec, it's like a thermometer that you use to measure your temperature. À travers la relation de toi et tes frères en Christ, tu peux regarder comment ta relation est avec Jésus-Christ et avec ton Dieu. Praise the Lord. C'est comme un thermomètre. You value them so much. You value the flesh so much. Du schätzt das Fleisch so sehr. Tu apprécies la chair. What are values? Was sind Dinge, die wir wertschätzen? Qu'est-ce qui est en, qu'est-ce qui, ce qui est, values are things you value. Les choses qu'on est en values are things you value. Dinge, die wir wertschätzen. Les choses qu'on apprécie. What are your values? Was schätzt du wert? C'est quoi ce qu'on est en train d'apprécier? Do you value Christ? Schätzt du Christus wert? Do you value your relationship with Jesus? Schätzt du eine Beziehung mit Jesus Christus? Apprécie ta relation avec Jésus Christ? Or you value your relationship with the flesh, with the, you know, with the natural? Oder schätzt unsere you cannot be in both places at the same time. Wir können nicht beidem gerecht werden. On peut pas apprécier deux choses différentes. You cannot serve God and Mammon, said Jesus God Christ. On peut pas servir Dieu et le Mammon. Do you value your salvation? Schätzt unsere Errettung. Est-ce que tu apprécies ton salut? Do you value your love and true relationship with Jesus Christ? Schätzt du deine Beziehung? Can we even still go here? No. Tu apprécies ta relation avec Jésus Christ? Remember what he said, that Jesus. In John 14. He said a lot of things there. Let's go there. Papa will help us to read some places. Amen. John 14. Praise the Lord. Amen. Verse 15. We first of all, just quickly read. Papa will help us to read verse 15. Henceforth, I call you not. No, John 14, verse 15. So, Johannes 14, verse 15. If ye love me, keep my commandments. Thank you. If you love me, keep my commandments, said Jesus. Du haltet meine Gebote, sagt Jesus. Si vous m'aimez, vous ferez mes commandements. All you need to do is just know his commandment. What is his commandment? Qu'est-ce qu'ils sont ses commandements? Then also he said, look at from verse 20. He said, at that day you shall know that I am in my Father, and ye are ye in me, and I in you. He that hath my commandment and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father. And I will love him, and we manifest myself to him. Then verse 22. Judas said unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest yourself unto us and not unto the world? Are you getting something here? Jesus answered and said unto him, verse 23, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come in unto him and make our abode with him. He that loveth me not keepeth not my sayings, and the word which he hear is not mine, but the Father which sent me. He said, this is my, look at his commandment. 1 John, go to 1 John. What Jesus called his commandment? 1 John 3. As well as time. Praise the Lord. 1 John 3. Very simple. 1 John. 1 John 3. From verse 22. 1 John 3, 22. And whatsoever you ask, we receive of him, because we keep his commandment. That is Christ's commandment. And do those things that are pleasing in his sight. And this is his commandment, that we should believe on the name of his Son, Jesus Christ, and love one another as he gave us commandment. And that's why if you are getting out of God's children, then you know that you are in problem. Loving one another. Are you getting it? On comprend que quand on s'éloigne des enfants de Dieu, qu'on a un problème. If you come to fighting one another, just hate it. Get out of it. C'est pour cela que vous détestez d'avoir un problème l'un vers l'autre. And he that keepeth, verse 24, he said, and he that keepeth his commandment dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us. Praise the Lord. Amen. How to live in him, and he in you. Wir werden ihm leben und er in uns. Comment vivre en lui et lui en nous. Your value. C'est que tu values. Satan is interested in your value, in what you value. Il est wichtig, was wir wertschätzen. Le diable est vraiment intéressé à ce que tu es en train d'apprécier. Because what you value give him a body. Et das, was wir wertschätzen, gibt ihm einen Körper. Parce que ce que tu es en train d'apprécier, ça lui donne un corps. And what you value will destroy you if it is not Christ. Was wir wertschätzen, wird uns zerstören, wenn es nicht Christus ist. Et ce que tu apprécies, ça va te détruire si ce n'est pas Jésus Christ. But the Lord is giving you time. Mais le Herr gibt uns Zeit. Mais Dieu te donne du temps. To value him alone. Ihn allein wertzuschätzen. De l'apprécier seulement. And nothing else. Und nichts anderes. Et rien d'autre. Amen. To value your relationship with him. Deine Beziehung mit ihm wertzuschätzen. D'apprécier ta relation avec lui. Praise the Lord. Look at 1 John. We will end here with 1 John. 1 Johannes. 1 John. 4. 1 Johannes 4. Verse 20. Verse 20. If a man say, I love God, and hate his brother, he is a liar. Are you getting it? If you say you love Jesus and you hate brothers and sisters, that you know that you're Christ, you are a big liar. Si quelqu'un prétend aimer Dieu et en détester son frère, c'est un menteur. Here he's not talking about your brother in the flesh. Ici, il ne s'agit pas de ton frère en chair, ton frère charnel. Those that hate the truth. Ceux qui détestent la vérité. Those that is after the love of this world, things of this world. They never choose Jesus, the truth. L'amour de ce monde. He's talking about Christ here. Those that have chosen Jesus. Ici, il parle de ceux qui se décident pour Jésus-Christ. Is it too much to choose Jesus Christ? Ist es zu viel verlangt, sich für Jesus zu entscheiden? Est-ce que c'est trop de se décider de Jésus-Christ? If a man say, I love God, and hated his brother in Christ, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? Car s'il n'aime pas son frère et qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Then in verse 21, and this commandment we have from him, that he who loveth God, love his brother also. It's not you love God, then you love your brother. It's loving your brother. That's how you love God. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. You know, it's a thermometer. Loving, to love brothers and sisters in Christ. It's how you know if you even love Jesus Christ. Aimer ton frère en Christ, c'est comme un thermomètre. Là, tu peux voir si tu aimes aussi Dieu. Praise the Lord. Amen. Please, if you have any questions, you ask. We have closed for today. Amen. Aujourd'hui, si vous avez des questions, demandez.